La communication du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, précisant l'attitude de la politique extérieure de notre République, a été rapportée par l'agence de presse Chine Nouvelle, le réseau Chine Nouvelle, les réseaux Planète et Information de Chine, les journaux égyptiens Al-Misri Al-Yaoum et Al-Prazir, l'agence de presse américaine UPI, le website d'internet Google News et la homepage d'internet Reddit des États-Unis, ainsi que les sites La République populaire démocratique de Corée de la Pologne, de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et du Centre d'études des idées du Tutsé du Brésil.